Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Cette semaine, on va interrompre la série consacrée aux deux poids deux mesures judiciaires. On reprendra la semaine prochaine, mais il me semblait intéressant de poser un regard décolonial sur la journée du 8 mars 2020, qui est donc le 8 mars, la journée consacrée aux droits des femmes. Il me semble que l'agenda féministe dialogue avec l'agenda antiraciste. Et pour l'expliquer, je vais partir de l'image, l'illustration de l'épisode de cette semaine, qui est donc cette photo prise par Le Parisien le 25 novembre dernier à l'occasion de la manifestation de 12 août pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et sur cette photo, on voit une manifestante, jeune, blanche, qui scande un slogan qui est légendé par Le Parisien, et le slogan c'est « Aujourd'hui, on compte nos mortes ». Et quand je vois cette image, connaissant l'histoire du militantisme contre les crimes conjugaux, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce slogan résonne avec le slogan des femmes non blanches qui demandent justice pour les morts de la police. Parce que si on regarde bien, sur le temps moyennement long, une décennie, les grandes luttes féministes, quand je dis grandes luttes féministes, ce sont celles qui vont prendre une certaine ampleur parce qu'elles vont être soutenues par les institutions. Si on prend le combat des femmes de ménage dans l'hôtellerie, c'est un combat qui est modeste, porté par des femmes en lutte et qui n'a pas été amplifié par les institutions. Donc il reste relativement confidentiel. Il concerne les syndicats qui éventuellement les soutiennent. Il est connu dans un certain milieu, mais ce milieu est quand même très limité. Les médias n'aident pas à le faire résonner très haut et à faire en sorte que tout le monde, toutes les femmes, se sentent concernées par ce combat. Tandis que le combat contre les crimes conjugaux, que les féministes appellent féminicides, puisqu'elles considèrent que ce sont des crimes de femmes inscrits dans le patriarcat, ces crimes conjugaux, ces féminicides, il y a ne serait-ce que 5 ans, politiquement, ils n'existaient pas en France. Ce n'était pas un sujet. C'était une lutte portée peut-être par quelques familles, quelques individus, quelques associations, et c'était très confidentiel. Il n'y avait pas de revendications. Les revendications portaient plutôt sur le départ des femmes du domicile conjugal, c'est-à-dire tous les dispositifs pour leur permettre de partir dans les conditions les moins risquées possibles. Donc ce militantisme contre les féminicides, tout d'un coup, il a pris une ampleur importante il y a moins de 3 ans, soit après que de grandes luttes antiracistes politiques ont été menées par des femmes ou des collectifs de femmes, et je veux évidemment parler de la lutte du MAFED qui organisait 2 marches de la dignité où les familles des victimes de crimes policiers étaient réunies derrière un ensemble de revendications pour obtenir la justice dans les cas de crimes policiers et pour obtenir aussi le changement des pratiques policières. Et Nous Toutes apparaît, et dans le sillon de Nous Toutes, toujours sur cette question des crimes conjugaux, on trouve les Femmes qui sont historiquement les ennemis des luttes antiracistes politiques en France, les ennemis directs. Et donc on ne peut pas s'empêcher de flairer quelque chose qui relève de ce que Sadri Khairi appelle la contre-révolution coloniale, c'est-à-dire tout ce que le pouvoir met en place pour contrecarrer les avancées produites par les résistances et par les luttes des non-blancs. Donc on a d'un côté des luttes autonomes, politiques, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans un rapport de force avec l'État. Et dans le cadre de ce rapport de force, dénonce les pratiques de l'État, dénonce les pratiques policières, dénonce les pratiques judiciaires. Et quand, en réponse à ça, en réponse indirectement, c'est une mise en dialogue, et cette mise en dialogue, elle est faite à l'intérieur des médias. Lorsque répond un mouvement très divers, c'est pas l'ensemble de ce mouvement qui y participe, mais c'est l'ensemble de ce mouvement qui se laisse en quelque sorte instrumentaliser, puisqu'il accueille positivement le fait d'être mis au devant de l'actualité, le fait que ces revendications soient prises en compte, que tout d'un coup on parle de féminicide, de l'ensemble du corps féministe très divers, il n'y a pas de voix qui se sont élevées contre ça. Donc c'est que soit cette instrumentalisation elle n'est pas perçue, soit elle est acceptée. Or, ce camp extrêmement divers qui converge le 25 novembre, qui converge le 8 mars, ce n'est qu'à la marge qu'il s'oppose à l'État. Et lorsque, par une parfaite coïncidence, je me suis trouvée à porter un projet sur la question des crimes conjugaux, à le porter personnellement, pas du tout dans le cadre de mon militantisme décolonial, j'ai eu à constater qu'il y a un décalage total entre ce que nos luttes sont, leur nature, éminemment politique, et les luttes féministes. Luttes féministes auxquelles je n'appartiens pas, puisque si je suis une femme non blanche qui se préoccupe de la condition des femmes non blanches en France, je ne suis pas féministe dans le sens où je ne reconnais pas la vision du monde des féministes qui consiste à dire que le monde se divise en deux avec d'une part les hommes et d'autre part les femmes qui par nature seraient victimes des hommes en étant victimes du patriarcat. Je suis militante décoloniale qui travaille sur les questions de violence, c'est-à-dire sur la violence que le colonialisme a introduit dans les pratiques sociales, dans les rapports sociaux et dont on ne s'est pas encore débarrassé puisqu'elle s'exprime de multiples manières et notamment interpersonnelles, comme c'est le cas dans les crimes conjugaux. Ensuite, je ne parle pas du coup de féminicide puisque je refuse la sacralisation de la femme qui est faite à l'occasion de ces journées, que, voilà, une journée comme celle d'aujourd'hui, la journée de la femme où on présente les femmes comme éventuellement ayant des qualités particulières, une essence victimaire, et aussi la femme telle qu'elle est envisagée, des journées comme aujourd'hui, on va partir des préoccupations des femmes blanches et les projeter sur les femmes du monde entier. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il est rendu compte dans la presse d'une manifestation en Tunisie où une jeune Tunisienne a écrit sur son corps qu'elle veut s'habiller comme elle le veut. Donc ça, c'est bien l'impérialisme qui diffuse mondialement le mode de vie blanc, la culture blanche, les préoccupations des blancs et aussi leur lutte. Donc il y a un phénomène de mimétisme, et mimétisme dont on se rend bien compte dans la presse un soir de 8 mars comme aujourd'hui. Si on commence seulement aujourd'hui de s'intéresser au sujet des crimes conjugaux, on peut tout à fait avoir le sentiment qu'une lutte est en train d'émerger et qu'elle va déboucher sur des avancées sociétales. Moi j'en doute, puisque c'est une question que j'ai bien suivie. Je me suis penchée dessus il y a presque 3 ans, et à l'époque cette question émergeait timidement en France. C'était pas du tout une question politique, d'ailleurs ça ne l'est pas encore, selon moi. Et à cette époque-là, n'en parlaient que les émissions de pathos, de type Olivier Delacroix ou Sophie Davant, soit la page Féminicide, qui est une page qui existe depuis peut-être 4 ans ou un peu plus, et qui effectue un décompte à partir de la presse locale. Donc dans le cas d'Olivier Delacroix ou Sophie Davant, c'était plutôt des témoignages dépolitisés et sensationnalistes qui sont censés déclencher de l'émotion chez le spectateur. Dans le cas de la page Féminicide, bon, c'est un décompte, et ce n'est que ça. Voilà, et derrière, il n'y a rien. Complètement inspirée par les pratiques militantes du milieu dont je viens, j'ai proposé un projet innovant sur cette question, et supposant que le monde féministe associatif était le plus compétent sur ces questions, puisque c'est comme ça qu'il se présentait, c'est à ce monde-là, des associations et des collectifs féministes les moins racistes, en fait. J'ai sélectionné ceux qui ne s'étaient pas engagés pour l'islamophobie. Et je leur ai soumis un projet clé en main qui s'appuyait sur une expertise totale du sujet. L'organisation de cette question telle qu'elle existe aujourd'hui et où elle place, en fait, la responsabilité du départ sur la victime des violences conjugales. Et l'idée, c'est que l'entourage qui souvent sait ou soupçonne qu'il y a des violences dans le foyer organise le départ précisément parce que la victime des violences ne peut pas l'initier ou peut difficilement l'initier. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens qui sont autour souvent disent puisque cette personne reste dans cette situation intenable, c'est probablement que cette situation lui va, mais en réalité, les gens méconnaissent les contraintes qui pèsent sur les victimes de violences domestiques. Et ces victimes peuvent être un homme, peuvent être une femme, peuvent être un adolescent, peuvent être un enfant. Et ces contraintes, les gens ne peuvent en parler que quand ils ont la garantie d'en sortir. hors de ça, souvent, ils perçoivent cette situation comme une situation bloquée et beaucoup vont développer un certain fatalisme. Et puis, souvent, ces gens n'ont pas le temps de la réflexion parce que les agresseurs, qu'ils soient hommes ou femmes, ont un comportement qu'on pourrait assimiler à celui du poulpe, c'est-à-dire qu'ils étouffent la personne en permanence pour qu'elle n'ait jamais de recul, jamais de temps de réflexion, jamais de possibilité de prendre conscience en échangeant avec un proche. Et quand ces poulpes sont là, ils accaparent l'attention, et quand ils sont absents, ils se manifestent en permanence via le téléphone, les réseaux sociaux. Et donc, les proches sont souvent les dernières personnes à pouvoir avoir accès à la victime, puisque les proches sont souvent les personnes qui sont maintenues à distance par l'agresseur. La deuxième dimension qu'intégrait ce projet, c'est le risque de mort. Parce que les personnes qui sont mortes, tuées par un conjoint, tuées par un père, puisque sont aussi des enfants qui sont tués lors des crimes domestiques, ces personnes ont payé le fait que ce risque mortel a été minimisé. Soit que les personnes étaient incrédules, soit que l'entourage ou les intervenants autour n'ont pas pris la mesure des choses, ils n'ont pas pris cette menace au sérieux et donc n'ont pas agi en fonction. Donc ce projet a renversé un peu la logique, puisque ça devient une question collective portée par l'entourage et la victime, et ça ne devient plus une question individuelle de choix d'une femme. Ça, c'est toute la logique féministe qui est construite autour de la liberté de la femme et du choix d'une femme, qui est quand même difficile à décliner dans une situation pareille où les gens sont en situation de mort potentielle. Donc là, la logique est inversée. C'est à l'entourage de créer les conditions pour que le départ soit possible. Et pour que ce soit possible, il faut créer un réseau national de solidarité que les proches peuvent solliciter et qui informe de manière appropriée et qui appuie l'entourage grâce à un réseau qu'il a constitué. Donc ce projet, il s'adresse en priorité aux concernés, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de ce type de situation et qui les connaissent très bien. Il s'adresse aussi aux personnes qui ont perdu un ou plusieurs proches et qui savent donc de quelle réalité je suis en train de parler. Il s'adressait aussi aux associatifs et aux autres militants qui ont compris que la solution de l'État n'arrivera pas tout de suite et qu'il ne faut pas exclusivement compter là-dessus. Et ce projet implique un fonds, la constitution d'un fonds, qui aurait pour mission de réunir des moyens ou de les mettre en réseau et de réunir aussi des lieux. Et les personnes qui solliciteraient ce fonds auraient aussi pour tâche de préparer le départ et de mâcher le travail administratif qui est si lourd ici en France, afin que la personne qui part, seule ou avec ses enfants, ait juste à faire le minimum, afin que son conjoint ou sa conjointe ne soupçonne rien. Parce que ça, c'est la règle essentielle dans ces cas de figure, c'est qu'on ne prévient pas un déséquilibré, une déséquilibrée qu'on le quitte. C'est la première règle et c'est la règle la plus importante qui permet de prévenir ces crimes domestiques. Et sur la forme, donc ce projet, il pourrait tout à fait avoir la forme d'une fondation, d'un réseau, qui se charge donc de réunir et de mettre en réseau les ressources matérielles, les ressources humaines, afin de mailler le territoire. Et les solutions de ce projet sont pensées exactement à partir de la condition réelle des personnes en sursis domestique. Et c'est un projet autonome, c'est-à-dire qu'il ne recourt pas à l'État. Parce que recourir à l'État dans les cas les plus risqués, ça peut complètement s'avérer fatal, contrairement à l'idée reçue. Les gens croient qu'ils sont protégés, ils suivent les procédures, donc ils ont le sentiment d'être sur la bonne voie, mais comme le temps est long pour l'aboutissement des démarches, eh bien ce laps de temps, c'est ce dont profitent les auteurs. Alors pourquoi les solliciter les féministes? Parce que d'abord ce n'est pas mon militantisme, donc ce n'est pas moi qui vais mettre en réseau des féministes, et en plus je n'ai pas particulièrement l'envie de monter un projet tel que celui-là. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un lui donne vie, et notamment parce qu'il y a un paquet de gens qui attendent, en fait, qui sont dans ces situations-là, qui attendent et qui sont suffisamment lucides pour savoir que ce n'est pas Marlène Schiappa qui va les sortir de cette situation. Donc il y a un temps pour débattre politiquement, un temps pour imaginer des solutions. Ça, c'est plutôt un temps long. Mais les gens qui sont en sursis, au domicile, ces gens-là n'ont pas tout ce temps devant eux. Il y avait aussi quelque chose d'un peu nouveau dans ce projet, c'est qu'il impliquait de faire confiance aux personnes et de les laisser gérer leur argent. Et ça, c'est un gros tabou ici. On est encore dans une société chrétienne, quoi qu'elle en dise, puisque il y a cette idée ici de qu'on ne peut pas donner de l'argent au miséreux parce qu'il n'est pas capable de le gérer. Donc on peut l'habiller, on peut le nourrir et notre bonté va nous ouvrir les portes du Seigneur. Parce que voilà, il y a cette identité positive que les gens ressortent de ça quand ils aident le miséreux. Mais on en est toujours là, l'argent est sale. Et ça a un effet très concret, c'est que quand on navigue un peu sur les plateformes de type Litchi ou le pot commun, on s'aperçoit qu'il y a des tas de personnes qui lancent des cagnottes dans l'espoir de réunir suffisamment d'argent pour pouvoir partir. Et en fait, ces cagnottes restent à zéro pour deux raisons. Les contraintes qui pèsent sur ces gens sont qu'ils ne peuvent pas faire connaître à leur entourage leur projet de départ parce que ça risquerait de mettre leur projet en péril. Et or, ces plateformes sont construites pour que ce soit le premier cercle, le cercle le plus proche, le cercle des amis qui dynamise une campagne de récolte de fonds. Le résultat est un peu terrible parce que il y a toute cette littérature là qui se développe, qui raconte que voilà les féministes sont là pour conscientiser les femmes et leur donner envie de partir. Et puis il y a ces gens sur ces plateformes qui ont toute la conscience pour décider de partir, ont fait tout ce qu'il faut pour et il manque juste de la solidarité. Mais cette question de l'argent est centrale puisque aujourd'hui, il faut faire le constat que l'État est en incurie. Il a juste éventuellement l'ambition de commencer de prendre en charge la question, mais il se repose surtout sur les associations qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Or, qui paie pour les manquements ? Eh bien, ce sont directement les personnes victimes de violences. Voilà pourquoi je proposais dans ce projet de réfléchir en dehors de l'État et de ses opérateurs. Et les associations que j'ai sollicitées ont complètement fait la sourde oreille quand je leur ai soumis ce projet. Ce qui, avec recul, peut paraître logique finalement, parce que comment on est arrivé à cette situation ? Dans les années 70, le féminisme prend une certaine ampleur, et puis un petit peu du fait des luttes, mais surtout du fait des directives et des traités internationaux auxquels la France devait se conformer, on s'est retrouvé avec un secrétariat d'État aux droits des femmes, des politiques contre les violences faites aux femmes, des études de genre dans les universités, d'où sortaient des travaux de recherche, des budgets fléchés. Et donc des associations ont été créées de militantes au départ, mais il s'en est suivi une professionnalisation de la question. C'est-à-dire qu'on peut faire un métier de ça, mais ça biaise complètement les choses parce que lorsque ça devient notre gagne-pain, vont naître des enjeux de statut, des enjeux d'identité aussi parce que le travail, on y met aussi de l'identité dedans, et vient aussi un certain pouvoir et une certaine légitimité sur une question qui fait que quand on gère 150 cas de femmes battues, puisque ces associations reçoivent exclusivement des femmes, eh bien le héros, ça devient l'associatif qui gère les dossiers et qui va en sortir une légitimité plus forte que, par exemple, les enfants de celle qui s'est fait tuer par son mari après 10 ans d'enfer. Et c'est ça le biais des intermédiaires de l'État. Car la légitimité devrait venir du combat militant, du combat politique, et pas du travail salarié. Donc c'est ce besoin-là d'être l'intermédiaire, le médiateur qui porte la parole de la femme, ça vient directement de cette institutionnalisation, professionnalisation du combat féministe. C'est pourquoi l'argent est au cœur aussi pour les associations qui doivent maintenir leur existence, mais il l'est aussi et d'abord pour les personnes en sursis. Puisque techniquement, la première question que posent les associations quand une usagère vient les solliciter, c'est « Avez-vous de l'argent pour financer un départ ?» Si la personne a de l'argent, tant mieux. Si elle n'en a pas, tant pis. Elle va devoir attendre que une place en foyer se libère si jamais il y en a. Et en revanche, partir sans argent, ça peut tourner en un enchaînement de galères sans nom. Or, la galère est un engrenage. Donc le premier tri se fait là, entre les femmes qui peuvent accéder à quelques milliers d'euros, elles-mêmes ou leur famille, et puis les autres. D'où l'immense proportion de femmes non blanches dans les usagères, pas parce que les femmes non blanches seraient plus battues que les autres, mais parce que le racisme nous prive plus de ressources, puisque si les femmes sont discriminées au travail, les femmes non blanches le sont davantage, quand elles ne sont pas littéralement privées de travail, comme c'est le cas par exemple pour tant de femmes voilées. Et c'est pas en faisant des ménages ou du travail précaire que les femmes risquent de pouvoir mettre de côté. Donc ça, c'était pour expliquer la situation actuelle de l'État, des opérateurs de l'État, et de ce projet qui propose des intermédiaires autonomes. Alors, étant militante antiraciste, ce n'est pas mon combat. Mais ces deux dernières années, j'ai vu le sujet des féminicides émerger comme une question prise au sérieux. J'ai vu, comme aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Et c'est pour ça que je reviens sur cette question, puisque il semble qu'il y ait beaucoup de femmes dont c'est le combat, des femmes qui semblent très impliquées. Donc ces femmes, j'ai envie de leur dire, la solution existe, il n'y a même pas besoin de chercher, puisque si vous interrogez les pays qui ont avancé sur cette question, vous verrez qu'on trouve des choses de cet ordre, financées par du mécénat et qui peut tout à fait prendre la forme de fondation. Donc un projet tel que celui-là n'a rien d'insensé, sauf si on est incapable de penser en dehors de l'État. Il suffit de regarder une organisation comme Amnesty International qui nous sollicite pour mettre 5 euros par mois. Personne n'y voit de problème. Lorsqu'il y a 60 000 personnes ou 100 000 personnes dans la rue avec nous toutes, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver les financements pour avoir une fondation en France qui permette aux personnes en sursis dans leur foyer de sauver leur peau. Il suffirait pour ça que des militants ou des personnes s'en emparent dans le sens noble, dans le sens de chercher à résoudre des problèmes par de l'action collective pour créer des solutions. Donc je reviens sur ce sujet parce que c'est vraiment un appel à se mettre en action, pas à débattre, pas à analyser, c'est un appel à réunir des bonnes volontés de gens sérieux et motivés et soucieux de créer une solution à un problème très simple. Sachant que dans ma ville, les gens qui ont manifesté aujourd'hui ont eu l'opportunité de prendre connaissance de ce projet, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un phénomène un peu récent de personnes qui vont s'emparer de ces questions politiques pour donner une épaisseur à leur militantisme. C'est-à-dire que on devient féministe parce que ça a une dimension identitaire, c'est-à-dire qu'on se trouve une identité, un peu comme dans le sketch de Blanche Gardin quand elle dit « moi je suis blanche, j'ai pas d'identité ». Moi j'ai rien, j'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Moi je suis une femme, blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil. En réponse aux revendications qui ont émergé ces 10-15 dernières années, il y a peut-être certaines femmes blanches qui ont besoin de se vivre une identité un peu radicale et ça c'est finalement un dévoiement parce que dans la lutte, la priorité c'est la cause et c'est le problème à régler, c'est pas le militant. Si on est... Or on voit émerger à droite à gauche des gens qui se mettent en récit comme une chevalière blanche qui sauve une petite femme violentée des griffes du méchant arabe dans le métro toulousain, par exemple. On voit aussi des gens qui utilisent des vlogs pour se mettre en avant et exploiter le sujet à la mode. Ou bien, le féminicide va exister comme un combat politique et on va se retrouver avec des experts du crime conjugal qui font la tournée des plateaux et ce n'est plus un problème à résoudre. Mais faire 365 000 tweets par an, ce n'est pas du militantisme si à côté on ne construit rien pour la cause. Et dans ce jeu de discours aujourd'hui, on dirait qu'il y a une espèce de danse qui s'engage avec l'État, où la militante exige de l'État, l'État répond en cédant quelques miettes et en faisant des promesses, et c'est un tango qui se danse à deux. Et ça peut durer très longtemps, parce que l'État a le temps. Or, le temps des personnes qui sont en sursis dans leur foyer, c'est un temps qui est très court. Et les solutions n'arriveront pas avant longtemps. Donc voilà, il y a cette forme de militantisme là, un peu symbolique, qui peut se satisfaire d'une ou deux parades annuelles. Voilà, j'ai marché avec les sœurs, j'ai collé des affiches, j'ai crié des slogans, ce n'est pas ça lutter. Lutter, c'est ne rien lâcher jusqu'à ce qu'un problème soit résolu, ou alors c'est construire et réparer collectivement, tous les jours et tout le temps. Donc je ne désespère pas de trouver des gens impliqués, intègres, et aussi au fait de la question, parce que ce que j'ai vu en présentant ce projet, c'est beaucoup de gens qui ne savent pas quel est le sujet, qui ne connaissent pas la question. Donc je continue de relancer les 25 novembre et les 8 mars dans l'espoir d'être entendu de personnes qui souhaiteraient s'engager concrètement. L'idée de faire porter par les proches collectivement le départ, c'est vraiment déterminant, parce que De la capacité d'entourer les personnes qui partent dépend complètement la réussite du départ. Quand une personne sort d'une situation de violence, c'est le moment où toutes les émotions que les gens ont dû cadenasser dans l'enfer domestique vont ressortir et s'exprimer. Et pour les gens, et particulièrement pour les adolescents ou les enfants, ça peut être un déferlement tel que certaines personnes préfèrent encore retourner à l'état de zombie dans le foyer violent que faire face à ces émotions. Et la solitude après le départ est aussi un facteur d'échec du départ. Organiser les choses en réseau, s'appuyer sur les proches, ça garantit que, quel que soit le lieu d'atterrissage, les personnes soient entourées. Or, il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour créer des super centres avec tout type de spécialistes partout sur le territoire. Par contre, ce qu'il y a partout sur le territoire, ce sont des communautés endeuillées qui peut-être seraient d'accord pour recevoir des familles en fuite. Et avec un réseau, il n'y aurait plus ce phénomène que je décrivais tout à l'heure de bouteille à la mer avec des gens qui pourraient garder la maîtrise de leur départ et solliciter le réseau sans s'afficher sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour comprendre la justesse de ce projet, il faut vraiment être au fait de ce que vivent les gens qui vivent avec un tyran domestique. Et il faut aussi connaître la psyché de ces tyrans domestiques qui peuvent être, je le répète, des femmes. Et même si demain tout le monde devient homosexuel, ça n'aura pas réglé le problème. En général, on analyse les auteurs, on analyse plutôt la psychologie des victimes de violences. Et c'est vraiment une erreur parce que ces gens-là vivent une situation qu'ils ou elles n'ont pas forcément choisie et ils n'ont pas tellement de pouvoir sur cette situation. C'est même précisément leur problème. Alors, moi, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas diagnostiqué ces auteurs, soit auteurs de crimes domestiques, soit potentiels auteurs de crimes domestiques. Mais il est important de bien connaître leur psychologie pour avoir des solutions qui soient adaptées. C'est un profil très particulier de gens qui ont un rapport d'être humain à objet, à leur compagne ou à leur compagnon identitairement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en équilibre grâce à cette relation cannibale. Puisque pour que la relation tienne, il faut que l'autre s'y soumette. Donc ils utilisent la violence psychologique, émotionnelle, financière, physique ou sexuelle pour avoir cet état qui pour eux est un état équilibré de la relation. Et ils recourent à cette violence parce que cette violence leur semble légitime. On ne parle pas des gens qui n'arrivent pas à se contrôler. On parle de gens qui se contrôlent très bien et dans le cadre de ce contrôle, ils vont recourir à l'un de ces types de violences. Et par contre pour eux, la relation ne peut pas exister sans violence. Certains envisagent de traiter les auteurs, les potentiels assassins, eux, ça a peut-être un intérêt pour des relations ultérieures, mais pour la relation dangereuse, le salut est exclusivement hors de la relation, au plus loin de l'auteur. Ce sont des relations qu'on ne répare pas. Et les victimes de ces gens, on les présente souvent comme des gens dépendantes. En réalité, c'est une dépendance qui est installée progressivement par les auteurs. Le premier dépendant, en fait, c'est l'auteur. Et l'auteur est tellement dépendant que, dans son esprit, la mort de la relation signifie la mort psychique. Et ça, on le voit très bien dans le cas de Bertrand Cantat. C'est lui qui se sent en danger. On l'a entendu témoigner récemment dans une émission de télévision. C'est lui qui se sent en danger tout au long de son témoignage. Il n'a pas un mot pour la femme qu'il a tuée, il parle en permanence de ce que la mort de cette femme lui fait à lui. Donc ce sont des gens qui sont déséquilibrés et la relation de domination et de contrôle, elle leur permet d'échapper à leur détresse mentale. Et lorsque la relation finit, eh bien ils se retrouvent plongés brutalement dans leur détresse mentale. Et c'est pour ça qu'ils disent, comme a dit telle personne à sa conjointe dès le début de la relation, « Si tu me quittes, je me suicide ». Parce qu'en général, ces gens-là sont très clairs, très clairs. Et quand ce qu'ils craignent le plus, soit la fin de la relation, tout d'un coup apparaît comme une possibilité, ils se retrouvent face à cette potentielle mort psychique, et pour eux, impossible de faire la différence entre la mort psychique et la mort réelle, donc ils se vivent en état de légitime défense. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un acte qui est très violent, mais en fait, il est violent à hauteur du danger psychique, donc du danger encouru. Or, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'à ce moment-là, ils vont essayer de les analyser, les comprendre à partir du visage qu'ils ont offert à l'extérieur. Et donc, ils sont dans l'incompréhension un petit peu. Mais ce visage est un masque social. sont des gens qui ont deux visages, et leur vrai visage, c'est le visage qu'ils offrent à leur époux, à leur épouse, à leurs enfants, aux gens qui les connaissent au quotidien. Mais je le disais tout à l'heure, il y a quelques études sur le sujet qui démontrent que ce ne sont pas des gens qui agissent par perte de contrôle, ils agissent pour sanctionner selon leur code moral. Et parce que les personnes qui les entourent, ils ne les ont pas du tout investis comme des êtres humains, y compris leurs enfants, ils les voient comme des outils, comme des prolongements d'eux-mêmes, des objets voilà, qui leur permettent d'échapper à leur désordre intérieur. Et quand un jouet n'apporte pas satisfaction, eh bien on le casse en le jetant au mur. Voilà pourquoi ils vont, pour organiser leur vie de tyran, faire preuve d'une grande sophistication et puis le jour du départ, avoir un geste complètement brutal et radical, comme ce policier qui a abattu la femme qu'il quittait et les enfants dans une gare en Île-de-France. Eh bien voilà, c'est précisément à cause de ça, cette mort psychique. Et quand on a compris ça, on ne se dit pas « bon, le gendarme ou le policier lui a remonté les bretelles, il a l'air d'avoir compris, ça n'a aucun sens avec quelqu'un qui menace de mort ». Quand on dit ça, on se dit ce que la justice se dit quand des gens sont en danger de mort. On se dit « mesure de protection ». Souvenons-nous Robert Redeker, le petit Toulousain qui a fait le bravache au début des années 2000 en insultant l'islam, il s'est pris une fatwa sur le nez et l'État l'a protégé parce que pour la vie si sacrée de Robert Redeker, il y avait de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, pour les personnes victimes d'un tyran domestique ou d'une tyran domestique, ce qu'il faut, c'est la même chose. Un réseau national avec une expertise pour expliquer aux gens que quand on part pour une nouvelle vie, on enterre complètement sa vie d'avant. Ça peut paraître radical, mais il faut des solutions qui soient à hauteur du danger en cours. Et la meilleure expertise, ce sont les premiers concernés qui l'ont, c'est-à-dire les personnes qui ont fait l'expérience de ça, l'expérience de ces crimes domestiques, ni les proches des disparus. Et c'est pourquoi c'est si terrible de voir ces cagnottes de personnes qui lancent une bouteille à la mer, qui avaient besoin d'argent pour financer un départ, mais qui en même temps devaient le cacher à leur entourage, donc pour se protéger, le faisaient anonymement. Mais comme les outils numériques aujourd'hui s'appuient sur le réseautage de proximité, c'est-à-dire mes amis et les amis de mes amis, et qu'une personne qui part a besoin que jusqu'à son départ, son projet soit inconnu, eh bien les cagnottes restaient vides. Et le monde associatif, avec sa réticence toute gâteau, avec l'argent, ne relayait pas cette demande. Et ça, c'est vraiment assez terrible. Parce que dans le même temps, on voit que Clémentine et Vianney, qui font un film d'animation en pâte à modeler sur les dangers du gluten, eux, ils arrivent facilement à lever 10 000 euros. Mais une personne en danger de mort qui a besoin de 3, 4, 5 000 euros, sa cagnotte reste à zéro, à cause de sa situation qui est d'être sous le commandement d'un taré ou d'une folle complète, et que n'ayant pas de réseau, puisque ces tyrans domestiques s'appliquent à défaire complètement le réseau personnel, professionnel de leur cible et aussi à isoler leurs victimes. Donc ces gens n'ont plus de réseau. En premier contact, ils vont voir les associations. Les associations vont leur demander si elles ont de l'argent. Et si elles n'ont pas d'argent, alors là, va s'enclencher un processus avec plein d'intermédiaires. Et à chaque intermédiaire, c'est une prise de risque énorme, particulièrement dans les petites villes où tout se sait. On sait si une telle ou un tel est allé voir le travailleur social. Et puis, ces démarches, elles sont aussi humiliantes parce que, en tant que personne qui demande de l'aide aux associations, à l'État, c'est embarrassant et en plus, les gens se trouvent dans une position d'infériorité avec une marge de manœuvre très faible puisqu'ils viennent quasiment faire l'aumône. Et ça, c'est aussi une dimension du problème qui est que quand les gens s'engagent dans toutes ces procédures, deviennent usagers des associations, c'est pas qu'ils deviennent petits poussins en danger, mais quasiment. Et donc c'est assez humiliant comme démarche, surtout si on sort d'une situation de guerre domestique où chaque jour on est en mode guerrier, où chaque jour on réfléchit à des stratégies pour sauver sa peau, ne pas se faire brutaliser, protéger les enfants, avoir un peu d'argent pour préparer le repas, pouvoir aller travailler. Donc les gens sont en hyper-vigilance, en mode combat au quotidien, et ils vont se retrouver face à des interlocuteurs qui vont leur parler avec maternalisme, et ça peut être particulièrement humiliant. D'autant que quand les gens sortent de là, ils ont une aspiration à la liberté qui est extraordinaire, et ils ont aussi une intolérance aux limites. Et donc les plonger dans une situation où il y a une une multiplicité de démarches administratives à faire auprès de nombreux interlocuteurs qui majoritairement ne comprennent pas ce qui se joue et peuvent faire du mal en croyant bien faire, et qui en plus vont arriver toujours avec le langage des limites. C'est l'assistante sociale qui peut-être répondra dans une semaine, mais une semaine ça peut être interminable. Et donc toutes ces démarches-là, elles replongent dans un nœud de contraintes et de solitude des gens qui sont déjà dans un quotidien fait de contraintes insensées et de solitude. Hein, puisque les gens, dans ces situations, peuvent tout à fait être passés à tabac parce que le repas était froid. L'obstacle différent aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces gens qui vivent avec un tyran domestique ont leur emploi du temps qui est complètement contrôlé. Ils doivent rendre compte de tout ce qu'ils font, toute leur activité est surveillée. Les ordinateurs, les smartphones, l'entourage même est mis à contribution pour surveiller leurs moindres faits et gestes. Et tout ça vise non seulement à donner l'impression qu'on est surveillé dans ses moindres faits et gestes, mais souvent la personne a été sanctionnée un jour pour être mise au pas. Et quand elle a été sanctionnée, ça peut être pour un acte, une faute réelle ou inventée, et la sanction va être exemplaire, c'est-à-dire ça va être un déluge de violence. Et cette violence, elle va être présentée comme une sanction qui est là pour dissuader de retenter quoi que ce soit. Donc la personne se dira forcément, eh bien, il vaut mieux que je ne prenne pas de liberté pour éviter les problèmes. Avant de virer en crime conjugal, les situations, elles sont souvent de type presque carcéral. C'est-à-dire, c'est pas une prison. Hein. Les gens peuvent vivre dans une grande villa, c'en est pas moins carcéral. C'est-à-dire que c'est une perte de liberté qui est installée par des violences de différents types. Et peut aussi tout à fait dissuader la personne de travailler par séduction. Et ensuite, lui distribuer de l'argent, peut-être beaucoup au début, et puis après, au compte-gouttes. C'est vraiment très sophistiqué. Et pourquoi ça ne va pas tel que c'est organisé aujourd'hui en France ? Parce qu'il y a tout un système qui est construit autour de la parole de la personne concernée. Soit vis-à-vis de l'État, donc on dit tant qu'elle n'a pas porté plainte, tant qu'elle n'a pas fait une démarche auprès des services sociaux, on ne peut rien faire. Ou bien vis-à-vis des proches. Et on construit l'idée que tant que les gens n'ont pas parlé de ce qu'ils vivent, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Bullshit. Les gens ont tout à fait conscience de ce qu'ils vivent. Même plus la situation s'installe, plus les personnes en arrivent à penser que la situation est inéluctable et qu'il n'y a plus aucune issue, puisque face à elles, elles ont quelqu'un, ils ou elles ont quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui s'en sortira toujours. Alors comment on peut en arriver à penser ça ? Par exemple, quand on voit que la personne est convoquée à la gendarmerie, mais reprend ses activités de psychopathe en fanfaronnant, la personne peut même se dire, ben, si même les gendarmes n'y peuvent rien, c'est bien que cet agresseur est au-dessus de tout, y compris la loi. Donc les faiblesses de l'État, elles aident les auteurs à alimenter leur récit de toute puissance. Hein, y a des auteurs qui vont dire « les gendarmes, ils vont faire quoi maintenant ?» Donc le seul moyen qu'il y a de les rassurer sur ce point, c'est de leur donner les garanties sur le fait qu'elles sont hors d'atteinte. Tant qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de parole. C'est pas en ouvrant un foyer dans le centre-ville, foyer que tous les psychopathes vont localiser, qu'on donne des garanties de sécurité à quelqu'un. C'est pas en mettant en place un bracelet électronique qu'on met la personne hors d'atteinte. On l'assigne juste à résidence. Ce sur quoi je vais insister, c'est que les dispositifs, quels qu'ils soient, ils échouent actuellement à avoir une réponse appropriée par rapport à la logique des auteurs les plus dangereux, ceux susceptibles de tuer, ceux qui n'ont pas peur de tuer parce que la mort pour eux, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. Tant qu'on ne comprend pas leur logique, les solutions seront inadaptées. Or, le risque est tellement grand que, je le dis vraiment, si des personnes en instance de départ là m'entendent, ne vous reposez pas sur les solutions de l'État, ordonnance de protection et autres. Si vous n'avez pas la garantie de disparaître complètement, ne partez pas. Sinon, les deux scénarios les plus probables sont soit la suppression de vous et de vos enfants, ou alors une ex-conjointe qui va faire de votre vie et peut-être de la vie de votre nouvelle conjointe un enfer pendant des années. Voilà, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Un tel, une telle qui passe au tribunal correctionnel pour 800 SMS parce que, même après la rupture, ils essaient de recréer l'univers de huis clos et de terrorisme, comme ça, pour que la personne soit en hyper-vigilance. Donc voilà, des solutions existent. S'il y a des gens dans la société qui sont volontaires, Si le réseau féministe qui s'enorgueille d'avoir un maillage du territoire est intéressé, qu'il se lance, un fonds comme celui-là, il peut tout à fait coexister avec les dispositifs de l'État. Et puis l'État faillit, au moins il y a une solution à côté pour pallier. Et puis le jour où l'État aura tout réglé, il sera assez tôt de défaire une fondation comme celle-là. Mais le monde ne va pas changer après une marche un jour ou deux jours dans l'année. Le travail militant ne remplace pas la résolution de problèmes. Et je ne m'exprime pas sur le sujet pour devenir une experte du sujet. C'est pas du tout mon terrain politique. Il y a plein de gens qui sont compétents, très impliqués, qui peut-être aujourd'hui mettent leur énergie dans des dispositifs dont ils savent qu'ils fonctionnent mal. Et ça peut aussi générer de l'amertume ou de la frustration. Je les invite à mettre leur énergie dans ce projet. Vraiment, je le donne, je mets ça au pot commun. Et si vous voulez évaluer la pertinence de ce projet, il suffit de le soumettre aux gens qui pleurent une sœur, une mère, une fille, un père, un enfant. Et ils vous diront, s'il y avait eu ça, mon cousin, ma tante seraient encore là. Et je conclurai en citant une militante que j'ai croisée dans les luttes il y a quelques années qui disait souvent « c'est facile de mobiliser autour des morts ». On est tous émotionnels, c'est notre qualité d'être humain. On est bouleversé, ça crée chez nous une réaction, mais cette réaction, ce n'est pas de l'action politique. Titiller ses émotions, ça peut être juste quand il s'agit de réhumaniser, parce que c'est le geste le plus grave, enlever une vie, qui nous fait prendre conscience qu'il existe une oppression. Mais les morts, ils peuvent aussi tout à fait être instrumentalisés pour des desseins politiques ou pour des questions d'ego. Parce que les morts, ils ne parlent plus, on peut tout à fait les exploiter. Et ils peuvent complètement devenir un fonds de commerce. On sera toujours tous d'accord pour être contre la mort, ça ne veut pas dire qu'on a le même projet. Voilà pourquoi on ne mobilise pas sur la mort, on mobilise autour d'un projet politique, d'une revendication, d'un projet qui évite la mort justement, pour que les morts survenues avant n'aient pas été vaines. Mais en tout cas, je le répète aux personnes qui pourraient être en danger actuellement, si vous pensez que vous risquez la mort, vous risquez la mort. Ne partez pas si votre plan n'est pas au point. Il suffirait d'un groupe de personnes qui soient intéressées pour construire un réseau qui permette de construire une alternative aux solutions proposées par l'État, une alternative qui permette aux gens qui souhaitent partir mais qui n'en ont pas les moyens, de partir d'une situation où potentiellement ils peuvent se faire tuer. Et si cette bouteille à la mer reste sans réponse, ce sera juste une confirmation que le combat actuel pour les féminicides est juste une coquille vide qui, d'une part, permet à certaines militantes féministes de se donner une certaine consistance à leur identité radicale, et puis, d'autre part, il permet à l'État de concurrencer les luttes contre l'impunité des crimes policiers en répondant que les femmes blanches aussi, elles meurent. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décolonisé ou sur Twitter à Décolonisé1. Pour vous abonner, Décolonisé est présent sur les plateformes Anchor, Spotify, SoundCloud et YouTube. Vous pouvez également vous rendre à décolonisé.org. À la semaine prochaine.